Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler avec notre ami Stéphane Lebeau, c'est des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Salut Steph. Salut Danny. Stéphane, évidemment, ce qui fait parler toute la planète hockey, c'est cette remontée des Sharks de San Jose pour l'emporter en prolongation. Évidemment, c'est la punition à mi-chemin en troisième période de Cody Higgins. Pénalité de 5 minutes sur un double échec à Joe Pavelski qui a fait la différence. Et les Sharks ont marqué 4 buts sans riposte pendant ces 5 minutes-là. Est-ce que... tu sais, souvent les arbitres... c'est très difficile, hein? On dit souvent que les arbitres ferment le sifflet en troisième période, souvent. Mais là, est-ce que c'était trop? Écoute, Danny, pour moi, là, c'est un gros œil au beurre noir pour la Ligue nationale actuellement, rencontre-là. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Oui, tu as raison lorsqu'on pense que l'arbitrage est souvent différent en série éliminatoire que versus en saison régulière. Mais hier, de toute évidence, aucune punition d'appeler sur le jeu. Ouais. Oublions pas, là, il y a deux arbitres en chef sur la patinoire. Après la mise au jeu, il y a le double échec où le joueur pousse l'autre joueur. Les deux arbitres ne pensent pas que ça vaut une punition. Et là, le joueur reste sur la patinoire. Par mesure, peut-être de panique, de stress, les arbitres ont décidé de punir la conséquence du geste. Et ça a été un changement dramatique pour cette rencontre-là. Oui. Écoutez, là, on joue... Les joueurs sont sur la glace pour gagner la Coupe Stanley. Les propriétaires sont là pour aller plus loin dans les séries pour faire de l'argent. Mais donc, oui. L'enjeu, il est immense. Oui. Et là, deux arbitres prennent une décision des plus imbéciles de ce que j'ai vu, moi, depuis que j'observe le hockey. Ça méritait au mieux un 2 minutes, pas plus. Et là, évidemment, les Sharks de San Jose, il fallait qu'ils marquent les buts en avantage numérique, mais n'eût été de cet appel de la part des arbitres en chef, ben, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on parlerait de la victoire des Golden Knights de la Ligue. Ben oui, c'est sûr. Et j'ai pu lire la détresse ou la frustration de Marc Chessault, et je suis obligé de partager son opinion. Puis moi, j'ai été trouvé qu'il a été très gentil envers la Ligue nationale, parce que ses propos auraient pu être beaucoup plus virulents, et avec raison, j'estime. Ben, c'est Marc Chessault a dit, évidemment, j'espère que c'est que Pavelski se porte bien, mais écoute, il n'a pas mangé ses mots, hein. Non, il a traité que c'était une grosse farce. Et puis il y avait des mots un peu plus sévères que ça. Avec raison, moi je dis, Danny, là, c'est inconcevable de voir un match être basculé de cette façon-là par des arbitres incompétents. Bon, on va dire aujourd'hui qu'on devrait donner la permission aux arbitres de revoir sur séquence vidéo. Mais ça change rien, hein? Mais là, à un moment donné, c'est justement là. Mais je suis pour du hockey propre. Mais ce coup-là, c'était après une mise au jeu officielle, une mise au jeu en zone défensive. Et puis, bon, le joueur a bousculé, peut-être par geste de frustration. Ça aurait pu être une dureté excessive ou un double échec, mais ça valait pas plus que 2 minutes. Et moi, je te le dis, Danny, je suis encore abasourdi par cette décision-là. Aussi abasourdi du fait que San Jose ont réussi à renverser la vapeur en marquant 4 buts. Mais c'est quand même ça qui a fait la différence dans le match. C'est clair que c'est ça qui a fait la différence. C'est exactement ça qui a fait la différence dans le match. Donc, les Sharks qui vont affronter finalement ils vont affronter, ils se trouvent à affronter qui? Les Sharks vont entreprendre la prochaine série contre l'Avalanche du Colorado. Contre l'Avalanche du Colorado, effectivement. Stéphane, si on parlait maintenant du côté de Toronto, hier, je parlais avec un gars qui est allé à Toronto hier, la semaine passée, j'ai été très surpris. Lui, il dit que les Leafs avaient plus... Parce que tu sais qu'à Toronto, il n'y a pas rien que le hockey, là. Il y a le basket, il y a les Raptors sont en pleine série. Puis lui, il dit que les Leafs ont plus de pression que les... avaient beaucoup plus de pression que les Raptors. Moi, j'ai été surpris parce que les Leafs, c'est sûr que le hockey est peut-être plus présent que les Raptors, que le basket, plus présent dans nos mœurs. Par contre, les Leafs ont encore un bon jeune noyau de joueurs, là. Comparativement aux Raptors, ou ce que c'est All-In, c'est vraiment, là, ça passe à cause cette année, là. Es-tu surpris de ça? Ben, pas vraiment. Écoute, je pense que la pression dans le marché canadien, c'est omniprésent dans le hockey. À Toronto, c'est vraiment une ville de sport complet. Lorsqu'on regarde les partisans, ce sont vraiment des fanatiques. Et c'est sûr que le sport numéro un demeure le hockey. La culture hockey est encore, je pense, omniprésente. Les Raptors, cette année, peuvent espérer de se rendre loin, mais c'est pas à chaque année vraiment qu'une équipe de basketball canadienne peut espérer ça. Donc, je pense que la pression était du côté de Toronto depuis le début de la saison. Eux qui possèdent quand même une des bonnes équipes de la Ligue, selon moi, surtout offensivement, peut-être quelques lacunes défensives. Mais dans cette série-là, ça s'est joué à pas grand-chose. L'unité spéciale, hein? Les unités spéciales, entre autres, à l'avantage des Bruins de Boston. Moi, je pense aussi, faut pas oublier là, la suspension de Kadri lors du match numéro 2 a fait mal aussi aux Maple Leafs. Par la suite, ça s'est joué à pas grand-chose. Comme je dis, hier, selon moi, Toronto a quand même joué un bon match, à part quelques erreurs qui ont mené aux deux premiers buts de Boston. La série a basculé en faveur des Bruins à la toute dernière minute, mais ça a été vraiment une série âprement disputée. Et je pense qu'il faut retenir de ça, Danny, c'est que cette année, les séries éliminatoires, c'est vraiment une boîte à surprises. Ah, c'est fun. C'est un petit peu l'anarchie. C'est à recommencer chaque match, chaque présence sur la patinoire peut faire basculer cette série-là. Et de toute évidence, ça joue à pas grand-chose. Et dans ce cas-ci, c'était deux excellentes équipes de hockey. Les deux gardiens de but, selon moi, ont fait quand même un bon travail. Mais à la toute fin, Boston, match numéro 6, match numéro 7, ont réussi là à avoir une attitude très calme dans les circonstances. Et leurs meilleurs joueurs ont été très bons, surtout dans le match numéro 6. Et hier, c'est les joueurs de soutien des Bruins de Boston qui ont fait la différence. Est-ce que John Tavares, moi je me rappelle quand que... Tu sais, John Tavares est arrivé à Toronto. Il y avait beaucoup d'observateurs qui disaient qu'il donnait la coupe aux Leafs. Il était bon défensivement, mais offensivement, il n'a pas été un rouage important. Est-ce qu'on peut parler de déception? Sûrement. T'engages pas un John Tavares pour bien jouer défensivement. T'engages un John Tavares pour être le leader, pour être le joueur qui va faire en sorte qui va faire la différence. Là. Puis ça n'a pas été fait, là. Ben, est-ce qu'on peut être déçu de Tavares? Peut-être qu'on aurait aimé avoir une production offensive un peu plus importante de sa part, surtout justement là en avantage numérique. Par contre, Danny, ça démontre encore une fois maintenant la réalité du hockey d'aujourd'hui. Mm. On a beau avoir Tavares, on a beau avoir Stamkos, Kucherov, on a beau avoir un Crosby, Malkin dans l'alignement. On a beau avoir des joueurs dominants, Boudreau à Calgary. On voit bien que un individu seul peut rarement faire la différence. Ouais. Il se doit vraiment d'être encadré d'une bonne équipe avec beaucoup de profondeur à toutes les positions. Et moi, je comme me questionne de plus en plus, ces joueurs vedettes-là dans la Ligue nationale, oui, ils sont meilleurs que les autres. Mais quelle est la marge, justement, à quel point ils sont meilleurs que les autres? Et on le voit vraiment là, que cette marge-là, lorsque les séries débutent, un joueur de 2, 3e, 4e trio, l'écart se réduit beaucoup. Puis je fais référence, mettons, à l'époque de Gretzky, Lemieux, Steve Yzerman, ouais. Doug Gilmour. ces joueurs-là, ils étaient vraiment très dominants offensivement. Et même s'il y avait des lacunes défensives, bien, leur domination offensive faisait en sorte qu'ils réussissaient à dominer leur adversaire plus souvent qu'autrement. Mm. Dans le hockey d'aujourd'hui, si on regarde les meilleurs joueurs de la Ligue nationale, je les ai nommés, là, les Kucherov, les Stamkos, les Crosby, j'en oublie, Ovechkin, bien, ces joueurs-là dominent, mais ne dominent pas assez largement pour tout simplement penser que ça va être facile. Et là, ouais. On le voit vraiment dans les séries actuellement. Donc, l'addition d'un Tavares, oui, c'était un plus pour les Maple Leafs, mais est-ce que ça garantissait la Coupe Stanley? Je ne pense pas. Ça prend un tout, et c'est ce que, je pense, les directeurs généraux des équipes qui se sont fait éliminer vont constater que, oui, ça prend des bons joueurs, ça prend des vedettes, mais ça prend avant tout des joueurs de soutien de grande qualité avec une équipe qui possède beaucoup de profondeur. Et Mike Babcock, est-ce que Mike Babcock est un entraîneur surévalué? Bien, surévalué, moi, je vais te faire un parallèle avec Carey Price. Ouais. Ah oui, ben là, je te vois venir. Hein? Parce que, est-ce que Carey Price est un excellent gardien de but? Oui. Ou Carey Price a été le plus productif avec Équipe Canada? Ben oui. Équipe Canada, on sait que la puissance canadienne sur la scène internationale, même si elle est de plus en plus défiée par d'autres nations, le Canada, lorsqu'on rentre un tournoi, seulement, surtout les Jeux olympiques ou la Coupe du monde ou les championnats du monde, on peut espérer de voir le Canada finir parmi les premiers. Ouais. Donc, Carey Price a bénéficié de son succès avec Team Canada pour grandir sa réputation. Et je peux faire le même rapprochement pour Mike Babcock. Mm. Babcock, il a quand même gagné une Coupe Stanley, Coupes Stanley avec les Red Wings de Détroit, mais il était très bon sur la scène internationale. Et là, maintenant, cette année et l'année passée, je pense qu'il avait une bonne équipe sous la main à Toronto. Pour moi, il devra, dans les prochaines années, là, parce qu'il était contesté à Toronto, hein. Il était très contesté à Toronto, puis ça, à quelque part, c'est la pression, hein? Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression. Il est l'entraîneur avec le plus haut salaire de la Ligue nationale. Il a maintenant une bonne équipe entre les mains. On s'attend à ce qu'un bon entraîneur puisse faire la différence, un petit peu comme un bon pilote de Formule 1. Ouais. S'il est bon, il a une bonne voiture, on s'attend à ce qu'il gagne. C'est le cas maintenant pour Mike Babcock. Ça sera à lui, je pense, dans les deux prochaines années, de démontrer là, qu'il a la capacité ou qu'il n'a pas perdu cette touche à entraîner des joueurs vedettes, des joueurs qui ont des gros salaires pour s'assurer que son équipe forme une chimie et puis que tout le monde pousse dans la même direction. Je veux te laisser sur Piqué Subban. C'est les journalistes à Montréal, puis certains médias pensent que Piqué a peut-être joué son dernier match avec les Prédateurs de Nashville. Il y a un manque d'attaque à Nashville. C'est ça qui a fait couler. C'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'ils ont perdu, qu'ils ont été éliminés. C'est hier. Est-ce que tu étais dans l'antichambre hier? Je suis pas sûr, mais on a montré des images de Piqué, comment il était encore une fois qu'il parlait avec ses entraîneurs et ainsi de suite. Piqué, là, on l'a souvent dit, c'est pas le genre de gars c'est le genre de joueur qui a fait 4, 5, 6 équipes à la fin de sa carrière. Ben, faudra voir. C'est sûr que Piqué Subban, pour moi, demeure un très bon défenseur de premier plan dans la Ligue nationale. Maintenant, c'est un petit peu là la force de Nashville. Il possède 4 défenseurs de grande qualité. Ben oui. Ceci étant dit, Piqué Subban, je pense, commande un salaire très élevé. Et pour moi, ça sera peut-être la difficulté pour Nashville de l'échanger parce que son contrat coûte tellement cher qu'à ce moment-là, il devient moins intéressant. La question aussi qu'il faut se poser, là, Roman aussi, qui est peut-être, selon moi, le meilleur défenseur. Ouais. Du coup, il va être à renégocier. Exactement. Donc, il va sûrement vouloir commander un salaire beaucoup plus élevé, ben, au moins comparable ou légèrement plus élevé que Piqué Subban. Est-ce que Nashville peuvent investir autant d'argent dans leur brigade défensive? Et tu l'as mentionné, pour moi, leur profondeur offensive a fait défaut. Et c'est là les spéculations de voir se départir d'un Piqué Souben. Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir en retour? Mm. Est-ce qu'on devra garder une partie de son salaire sur la masse salariale? Moi, je pense que Piqué, c'est un gars de caractère. C'est un gars qui, dans les séries éliminatoires, veut gagner. Je ne pense pas qu'il pose problème. Seulement ses performances reliées à son salaire qui pourraient influencer le Nashville à vouloir le magasiner pour peut-être justement aller chercher des joueurs qui vont amener une plus grande profondeur à l'offensive. Stéphane, très intéressant. On va se reparler dans le temps des séries éliminatoires. Ben, ça me fait plaisir, Danny. Notre ami Stéphane Lebeau. Hey, Danny. Oui.